Et ouais, les New Yorkais d'Interpol ouvrent notre 221e Pop & Rock sur la très locale RVR, dans lequel notre programmation fera apparaître quelques albums sortis début 2023 mélangés à des titres et artistes que nous avons négligés, mais pour le moment, restons à New York avec Interpol qui reprend son Big Shot City, mais en compagnie de Makaia McCraven. Stop the operation, help me off the table, we need to leave. Not the type to cry, but the more I stay alive, I feel the tendency increase. I can give you what you see in a drunken heartbeat of my sleeve. We'll take it up and come home clean. It's a whole and mystic revelry, a sunken signal submarine. We'll shake it up and come home sweet. Believe in me. Stop the operation. Stop the operation. Stop the operation. Stop the operation. Big Shot City is losing vibrations over. Don't know how we even got here. The story reeks of want. Believe I can give you what you see in a drunken heartbeat of my sleeve. We'll take it up and come home clean. The whole holistic reverie, a sunken signal submarine. We'll shake it up and come home sweet. Believe in me. Stop the operation. Je ne sais pas quel est l'artiste ou le groupe qui est passé le plus souvent dans Pop & Rock. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que le titre qui arrive, In Ashes, partie 3 des Smashing Pumpkins, est un des morceaux que je passe le plus régulièrement. I'll never be. semaine passée, nous avons découvert la nouvelle pépite belge. Ouais, mieux vaut tard que jamais, je dis ça car les Black Box Revelation en sont à leur 6e album et Pop & Rock les découvre à peine. On fonce donc à Dilbeek et on se fait deux titres des Black Box Revelation. Sur RVR et nous écoutons un deuxième titre des Black Box Revelation. Tiens, ça faisait longtemps. Eh bien écoute, merci la voix off. Trembles when you growl into my face. Black Box Revolution, il faut le dire, ces petits Belges, lorsque je les écoute, ils me font penser à tous ces gros bons groupes américains. Vous le savez, je ne porte aucun culte au royaume états-unien, mais malgré tout, chaque pop and rock me voit porter au nu des artistes d'outre-Atlantique, comme le duo originaire de l'Ohio, les Black Keys. Le rock est plein de titres repris, certains connus, voire reconnus, et d'autres beaucoup moins, comme le Blank Generation de l'anonyme Richard Hell et ses Voidoid, titres repris ce soir par les genoux de l'État de New York, les Bobbilis. Oh. Alors ça fait du bien, mais il est l'heure peut-être d'une petite respiration. Voilà bien longtemps qu'on n'avait pas fait Sleep par les cousins du Brian Johnston Massacre. Voici les Dandy Warhols. Thank you. titre des Dandy Warhols ne vous a pas assez relaxé, du côté calme, il y a également le 16 Horsepower du bel étrange David Eugene Edwards. Rappelez-vous, c'était il y a bien longtemps dans Pop and Rock sur RVR. Entre 17h et 18h en Pays Rouennais, comme les jeudis entre 21h et 22h en Pays d'Amplepuy, vous écoutez Pop and Rock sur la très locale RVR. The truth. Non, vous ne vous trompez pas, vous avez bien écouté Dream On, mais ce n'est pas la version originale chantée par Steven Tyler et ses Aerosmiths, c'était une reprise de The Mission, le groupe de Wayne Hussey, ex des Sisters. Mais revenons à de l'original, avec tout de suite le duo français, bien discret aujourd'hui, The Do, qui nous offrait il y a bien longtemps une petite surprise salée. La semaine passée, Pop & Rock découvrait donc en retard les Belges de Black Box Revelation et de la même façon apparaissait grâce à leur 8e album, duquel j'extrais ce soir Black Light Shine, version acoustique, le groupe de Mars Volta. Apagar. The rain don't fall in the sun. écouter un des derniers titres de The Mars Volta que vous pourrez retrouver comme tous les autres titres et artistes de ce soir sur la page Facebook de Pop & Rock, les petits enfants du rock. Oh oh, merci la voix off. Brian Johnston Massacre a toujours sa place au 104.6 dans Pop & Rock, comme d'ailleurs les Warlocks. Mais ce soir, je ne vous envoie pas le fabuleux instrumental du Stooge, mais plutôt le plus mélancolique Mr. Boogeyman, les Warlocks. Allez, on se réveille car il est bientôt l'heure de se quitter. Hein? Déjà? Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Je sais, quand on est bien accompagné, le temps passe si vite. Ouais, ouais. Ça y est, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie normale. On se quitte avec le Beatles Band qui, plus vite qu'une balle tirée de son gun Metal Grey, vous salue bien bas. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et toujours, surtout, bis à tous.